Chapitre 6e, la fête chez la Dolphine. Eh bien, demanda Don José dès qu'il vit renaître la vie et l'intelligence dans les yeux de Dolci. Eh bien, dit Luca, il faut nous quitter, Don José. Je vous comprends, Dolci, mais c'est votre raison qui parle, non votre cœur. Je ne vous quitterai pas. J'ai prévu tout ce que vous pouvez avoir à m'annoncer, et je ne vous quitterai pas. Il le faut, José, il le faut, pour que je ne vous entende pas. Suprême désespoir pour moi, maudire à votre lit de mort ou au mien, le jour où nos mains se rencontrèrent et où nos cœurs s'unirent. Il le faut, pour que la voix de mon ami ne soit pas la première à s'élever contre moi dans la vallée du terrible jugement. Tout cela est bon, reprit Don José, mais qu'il y ait péril du corps ou de l'âme, je n'abandonnerai jamais l'ami que j'ai choisi. Écoutez-moi donc, dit Luca. Et il répéta mot à mot à Don José l'entretien qu'il venait d'avoir avec la marquise, ne lui cachant pas à quelles conditions il avait acheté l'espoir d'être aimé d'elle. « C'est bien, » dit alors Don José, « je ferai ce que vous ferez. Nous serons complices, comme nous avons été amis. Mais par grâce, Luca, soyons hommes à ceci comme nous l'avons été jusqu'à présent. Ne perdons pas la seule vertu des âmes tombées, l'orgueil. Je vous avoue, mais tenez, voici un flacon de vieux Chypre, dont je vous ai fait avaler une goutte tout à l'heure pour vous rappeler à la vie. Videz ce verre et passez-le-moi. » Je vous avoue, disais-je, que je ne suis pas plus l'homme des demi-péchés que des demi-vertus. Comme je vide ce verre, j'entends mener la vie, avec franchise et à grands traits. Je souffre volontiers la haine, mais non le mépris. Et le mépris s'attaque également, Luca, à celui qui se cache pour entrer dans un confessionnal et à celui qui cherche une ombre hypocrite pour embrasser une femme. Nous n'avons pas été de faibles chrétiens. Nous ne serons pas, si vous m'en croyez, de médiocres débauchés. Et Don José avala un second verre de Chypre. Le meilleur entre les bons ou le pire entre les mauvais, répondit Luca, c'est mon avis. Ne craignez plus de ma part ni faiblesse ni hésitation. La tentation de cet amour m'a vaincu et me domine. Mais ce sera ma dernière faiblesse. D'ailleurs, vous me restez. Et si j'ai perdu connaissance tout à l'heure, c'est uniquement parce que je croyais vous voir pour la dernière fois. Maintenant que votre parti est pris, cher José, je puis vous avouer tout cela. « Je m'en étais douté, » dit José, « mais buvez donc, Luca. Il faut nous habituer à boire. Je suis disposé à ne me laisser primer en rien. Et à ce propos, ne m'avez-vous pas dit que vous aviez autrefois pratiqué l'escrime ? Oui, pour ma santé, qui était faible. J'avais même acquis une sorte d'habileté, dont j'étais plus vain qu'il ne convenait à mes idées d'alors. C'est pourquoi je renonçais à cet exercice l'an dernier. « Nous le reprendrons, » répliqua Don José. Et je vous prêterai le collet tant qu'il vous plaira. Eh bien, vous voilà encore à songer. Point de cela, buvez. Il faut marcher maintenant sans retourner la tête, et ne doutez pas du succès. Ce n'est pas que j'en doute. Cette femme, pleine d'orgueil et de corruption, que j'aime comme un fou, tout en la jugeant avec sang-froid, se rendra dans un mois corps et âme au galant le plus en renom dans Venise, et ce sera moi. Elle se rendra au libertin le plus effréné de Venise, et ce sera moi. Ce sera moi, Don José, parce qu'il ne faut pas, pour faire parade de tous les vices, le quart du courage qui est nécessaire pour pratiquer une seule vertu. Et jusqu'à ce jour, je les ai toutes pratiquées, quoique avec beaucoup de combats. Être vicieux, ami, c'est se dispenser du travail incessant et mal, de l'effort continuel et vigoureux qu'on nomme volonté. C'est jeter la rame et s'abandonner au courant. La passion nous mène assez vite, sans qu'on lui aide, et juger. Si l'on seconde par un peu de volonté cet entraînement des passions déjà si fort par lui-même, si l'on apporte du courage dans le vice, qui n'est que faiblesse de la part du vulgaire, du système et de la préméditation dans la débauche, qui n'est communément qu'un laisser-aller stupide, avec quelle facilité ne doit-on pas passer maître parmi tous ces lâches imbéciles ? Allez, allez, Don José, j'ai dit, dans un mois, mais non, demain, cette nuit même, cette royauté est à vous et à moi, si nous le voulons. Ce n'est pas là ce qui m'inquiète et qui me faisait pensif. Mais je me demandais si cette femme, qui a de l'esprit après tout, quand elle aurait vu quel jeu facile sont ses honteux triomphes et combien peu il en coûte pour s'en couronner, je me demandais si elle ne les estimerait pas enfin ce qu'ils valent, si son esprit, frappé de cette lumière, ne s'ouvrirait pas à l'amour de ce qui est vraiment beau et digne d'un homme, les luttes et les victoires de la volonté. Si je n'étais pas choisi moi-même, pour accomplir cette conversion au péril de mon âme, et si vous et moi, cher José, nous ne reviendrions pas à Dieu bientôt, lui amenant pour excuse cette proie magnifique. Il faut l'espérer, dit gravement Don José en se levant. Mais il était trop calme pour ne pas voir que cet espoir de Dolci était un de ces arguments spéciaux qu'invente la passion pour donner à la conscience émue un prétexte de repos. Or ça, allons nous habiller, dit Luca. Dieu est grand, l'espoir est comme le ciel des nuits. Il n'est pas de coin si sombre où l'œil qui s'obstine ne finisse par découvrir une étoile. On était alors à peu près à la moitié de la nuit. Depuis plusieurs heures déjà, le palais de Dolfina jetait sur les canaux, sur les ponts, sur les quais des lueurs d'incendie, et apparaissait blanc et comme transparent au milieu de sa splendide illumination. Parmi tout cet éclat, sous les arbres des jardins, dont chaque feuille semblait enflammée, à travers les fenêtres ardentes comme des fournaises, jusque sur les terrasses du toit enveloppées d'une brume lumineuse et d'une rouge fumée, on voyait de loin passer et se mouvoir les hôtes innombrables de cette demeure enchantée. Ils se promenaient comme des fées, des génies, dans un palais flamboyant et fantastique. L'œil était ébloui à suivre dans ce pêle-mêle superbe les panaches aux mille couleurs se balançant sur les toques ou sur les larges feutres, les chaînes d'or ruisselant sur le velours des pourpoints, les reflets ondoyants du satin et des épaules moirées, les fleurs sur sa tête et sous les pieds des femmes, les perles, fleurs de la mer, pendant en guirlande sur les jeunes fronts, et par-dessus tout la variété magnifique des costumes orientaux. Car chez la Dolfina, comme chez le doge de Venise, toutes les nations étaient représentées, et il arrivait souvent que les mêmes ambassadeurs servaient pour le doge et pour la courtisane. Durant la première partie de la nuit, on avait joué, comme on jouait en ce temps-là, lorsque peu de gens étaient riches, mais l'été à outrance. Des marchands juifs avaient perdu des flottes tout entières. Un prince d'Italie s'était vu contraint d'hypothéquer cruellement sa principauté. Un Arménien venait de perdre en un quart d'heure une caravane de fourrure qui mettait 6 mois à faire son chargement. Un autre étranger, qui passait pour être in petto un pirate de l'archipel, avait gagné, sur un coup de dé, tout un quai de Venise. Il est vrai qu'il avait perdu sur le coup suivant 2 îles grecques, Chio et Samos. Ce bonhomme était ruiné, si un voleur pouvait l'être. Sur un geste de la Dolfina, geste qui eut l'effet d'un coup de baguette magique, parut une invasion d'esclaves noirs aux tuniques de soie pourpre brodées d'or. Les tables somptueusement chargées se dressèrent tout à coup dans les galeries, dans les jardins et sur les toits en terrasse. Toute la fête s'assit alors et le souper commença. La Dolfina, vêtue d'un costume de bacchante, trônait dans la galerie principale du palais, au centre d'une table où elle avait placé les plus illustres de ses hôtes et les plus éclatantes beautés de la nuit. Mais la Dolfina, au milieu même de son triomphe, paraissait soucieuse. Un pli troublait la sérénité de marbre de son front étroit et poli. Ses yeux, par un prodige inaccoutumé, semblaient poursuivre une pensée dans l'espace. Cependant, autour d'elle, les flacons se vidaient, les femmes riaient, les hommes se trompaient de verre, et l'orgie se montait peu à peu comme un orage. « Ah ça, madame !» cria le comte Raphaël Angelmonte, qui était assis presque en face de la Dolfina. « Vous venez de soupirer. C'est la seconde fois de la soirée et de votre vie. Prenez garde. On devient phtisique à soupirer, ma divine enfant. Cette peau de tigre vous sied à ravir. Diantre, je vous aime cette nuit d'une furieuse sorte, ma belle. Mais voilà un vin que je ne connais pas. Dolfina mia, déesse ou mortelle, femme ou tigresse, j'ai beau regarder ce vin et le boire, non, par Bacchus, je ne le reconnais pas. Avez-vous donc retrouvé quelque cave perdue du Père Noé? Ou bien, essence de beauté, oh là, mesdames, que ceux et celles qui disent que je suis gris daignent écouter la manière dont je vais tourner ce bout de phrase. Ou bien, essence de beauté, c'est à la Dolfina que je parle. Ce vin vous est-il envoyé de la part du Seigneur Soleil lui-même, comme une galanterie d'amant à maîtresse? Ou un cadeau d'égal à égal. Bravo. Non, non, il n'est pas gris, répondirent les convives. Je le savais bien, repartit Raphaël. Et vous aussi, madame, vous le saviez, n'est-il pas vrai? Ajouta-t-il en embrassant cordialement une belle grecque assise près de lui. Quoi? Demanda la belle grecque. Rien, dit Raphaël. Mais ce vin, voilà une chose inouïe. Il existe un vin, j'en suis sûr, puisque je le bois, et je ne puis lui appliquer son nom sur le visage. « Ne trouvez-vous pas cela bien étrange, madame ?» ajouta Raphaël en embrassant de nouveau la belle grecque, sa voisine. « Quoi ?» demanda la belle grecque. « Rien, ma foi, » dit Raphaël. « Écoutez, magnifique Dolfina, dites-moi le nom de ce vin, et je vous dirai, moi, en quel lieu Michel Gritti a passé sa journée. » La Dolfina se mit à rire. « Monseigneur, savez-vous qu'un Portugais, nommé Vasco de Gama, découvrit, il y a quelques centaines, un cap de terre d'Afrique, qu'il nomma Cap des Tempêtes ?»« Ma foi, non, » dit Raphaël, « mais je me moque de lui et de son cap. » « Eh bien, monseigneur, sur ce cap, on a essayé de planter des vignes. De ces vignes, on a essayé de faire du vin. Et c'est de ce vin que vous essayez de boire. » « Et j'ai réussi, morbleu, selon mes souhaits, » reprit le comte Angelmonte. « Quant à Michel Gritti, madame, il a passé le jour chez la petite Contarini, en attendant sans doute qu'il y passe la nuit. »« La petite Giulia, mais elle est laide. » « Oui, oui, céleste dame, laide comme toutes les femmes aimées des gens qu'on aime. » « Ainsi, il ne viendra pas cette nuit ?»« Non, sans doute, blonde tigresse, car si j'ose le dire... » Un bruit éclatant et confus de bravo et d'applaudissements s'éleva tout à coup des jardins et coupa la parole à Raphaël. « C'est lui !» s'écria la Dolfina. « Il n'y a que lui au monde dont la venue puisse être accueillie ainsi. » Et elle se souleva, radieuse, sur son trône, pour être la première à apercevoir Gritti quand il paraîtrait au haut de l'escalier intérieur. Tous les regards attentifs se portèrent du même côté, et le silence se fit d'un bout à l'autre de la profonde galerie. Sur le dernier perron de l'escalier, qui formait un large seuil en mosaïque devant la porte de la galerie, Luca Dolci parut alors avec Don José. Les deux jeunes gens, avant d'entrer, s'arrêtèrent un moment dans le cadre de la porte, le bras gauche campé sur la hanche et soutenant le manteau, la jambe droite tendue et la tête rejetée en arrière. Dans ce pays d'art et de beauté, il le suffit sans doute du caractère charmant et fier de ces deux jeunes visages, de l'attitude gracieuse et hautaine qu'avaient prise les deux cavaliers, du goût exquis qui se révélait dans leur habillement simple et riche, comme celui des archiducs espagnols, pour arracher à toutes les bouches un murmure de plaisir. Mais Luca Dolci et Don José avaient, de plus que leur beauté, leur nom et la réputation de leur vie immaculée, qui donnait à leur visite, à cette heure et en ce lieu, le prix d'une faveur inouïe et l'éclat d'un prodige. Aussi, par un geste unanime, tous les convives se levèrent, applaudissant des mains et de la voix, dans le double enthousiasme d'une ivresse naissante et d'une surprise complète. Les deux jeunes gens, alors, dégageant le bras gauche pour ôter leur toque, saluèrent la foule avec cette élégance savante, cette aisance souveraine, cette grâce étudiée et bienvenue, qui, en ce temps-là, faisait d'un salut une cérémonie à quoi l'on connaissait en tout pays son grand seigneur. « Messieurs, » dit la Dolfina, s'avançant d'un pas au-devant d'eux, « c'est beaucoup d'honneur que de voir vos seigneuries chez moi. J'espère que vous allez souper avec nous. »« Jusqu'à ce que mort s'en suive, madame, » répondit Luca. « Monsieur de Frias et moi, nous ne soupons point d'autre façon. »« Vous avez, madame, » ajouta-t-il en baisant la main de la Dolfina, « des épaules dignes de toute adoration. N'est-il pas vrai, Don José ?»« C'est un éblouissement. » dit José de Frias en baisant l'autre main de la dame. Parbleu, messieurs, cria le comte Raphaël, vous êtes charmant. Il me semble que pour des gens qui se destinent à l'état monacal, ceci promet. Vous dites vos pattes neutres sur les épaules de madame. Luca Dolci venait de s'asseoir sans façon à la droite de la Dolfina, sans qu'un prince allemand dont il prenait la place opposât cette usurpation d'autre résistance que de sourds grognements. Mais c'est Raphaël, répondit-il. « Je vous prie de croire que M. de Frias et moi, nous ne promettons rien que nous ne soyons disposés à tenir. Ainsi, nous nous étions promis, par suite d'une histoire trop longue à vous conter, de mener durant quelques mois une vie séraphique, et tout le monde sait que nous l'avons menée. Maintenant, nous nous promettons d'être aimés de toutes ces dames que voici sans aucune exception. Et nous le serons, n'est-il pas vrai, Don José ?»« Oui, dit José, n'est-il pas vrai, mesdames ?» Les rires perlés des femmes, éclatant dans toute la salle avec la fraîche sonorité d'une cascade, firent à cette question une réponse pleine de riants espoirs. « Vous voyez bien, monsieur, » reprit Luca Dolci, s'adressant au comte Raphaël. « Mais, jeune homme, » dit tout à coup le prince allemand, se réveillant de sa torpeur, « vous m'avez pris ma place, je crois. »« Vous le croyez ?» s'écria Dolci, qui depuis son arrivée vidait son verre coup sur coup. « En vérité, vous le croyez, mon voisin. » Je vous prends votre place à côté de la première beauté de l'univers, et un quart d'heure après, vous commencez à vous douter du fait, et vous prétendez peut-être que je vous la rende, votre place. Point, monsieur. Je vous verserai à boire, et ce sera tout. Que diable! Vous boirez aussi bien auprès de moi qu'auprès de la diva. D'ailleurs, Si vous avez quelque chose à lui dire, ce dont je doute, dites-le-moi, noble étranger, et je le lui transmettrai fidèlement et même en meilleurs termes que vous ne sauriez faire. Là-dessus, buvons. À votre gloire, mon prince. Vous êtes gris, jeune homme, dit l'Allemand avec dignité. Sans doute, je le suis. Vous êtes bien ivre, vous. Mais, ma reine, ajouta Luca Dolci en se retournant vers la Dolfina, vous ne dites rien. Vous avez fort raison, au reste. Laissez bavarder les femmes qui ont de médiocres charmes. Mais vous, madame, vous n'avez que la peine d'exister pour plaire, de respirer pour être aimée. À quoi bon parler, n'est-ce pas? Regardez la friasse, n'est-elle pas divine? Il n'y a-t-il pas beaucoup d'allégresse à songer que je vais être son amant la semaine prochaine? Mais, monseigneur, dit la Dolfina, riant et se renversant de côté sur son fauteuil. Mais quoi, ma belle? Ne vous fâchez pas, ce sera plus tôt si vous le voulez. Oh là, Dolci! Cria en ce moment Don José, qui était placé vis-à-vis de Luca entre deux admirables personnes, l'une grenadine, à ce qu'on disait, l'autre smyrniote. Oh là, mon ami, tire-moi de la peine où je suis, laquelle de ces deux dames dois-je aimer? La plus belle. Elles le sont également. La plus bête, en ce cas, riposta Dolci. Toutes deux le sont à consterner, reprit Don José. Mais il y en a une qui parle turc, et comme je ne l'entends pas, cela m'est égal. Salam alek, madame, ajouta-t-il en effleurant de ses lèvres les épaules de la smyrniote. Moi, dit le contre-Raphaël, j'aime assez les femmes d'esprit. Bon, cria Luca, pourquoi faire? Une femme est-elle une distraction, oui ou non? J'ai cru jusqu'ici que oui, dit Raphaël. Eh bien, mordieu, reprit Luca, il ne faut pas en faire une occupation en ce cas. Une femme qui a de l'esprit, mon cher Raphaël, je vous appelle familièrement, mon cher, parce que nous sommes gris, l'un et l'autre. Une femme qui a de l'esprit s'écarte de son but. Cela devient un travail que d'être près d'elle. L'amour doit s'adresser à tous les sens, jamais à l'intelligence. Qu'une femme charme les yeux et les oreilles, le nez et les lèvres, qu'elle soit belle et qu'elle joue de la mandoline, qu'elle se parfume et qu'elle ait la peau fine, c'est son droit, c'est son devoir. Mais qu'elle n'ait point d'esprit sans Dieu, car si elle a de l'esprit, elle fera des vers. Écoutez bien ceci, Raphaël, si elle fait des vers, elle me les dira. Et vous comprenez que, si le temps s'écoule près d'une femme en ces niaiseries-là, autant vaudrait passer la nuit en tête-à-tête avec une fleur ou une étoile. Ces deux insipides amantes des poètes, ces deux éternelles rabâcheuses de sonnets. Pardon, messer, interrompit un grand jeune homme pâle et vêtu de noir, qui était assis de l'autre côté de la table en face de Dolci. Mais je me pique de faire assez passablement des sonnets, et je fais profession de ne point souffrir d'impertinence. Je fais profession d'en dire au sot, moi, répliqua Dolci. Ça, ça, hurra, avanti, taio, seigneur poète, hurla le contre-Raphaël en se débattant sur son siège. Le grand jeune homme pâle était devenu pourpre. Il se leva et dégaina son poignard. Monseigneur, messieurs de grâce, dit la Dolfina, poussant un cri de frayeur que répétèrent toutes les femmes. Voyons, expliquez-vous, mon ami, dit Luca Dolci, se levant de son côté et tirant son stylet. Prenez garde, messer, dit le poète. À vos ordres, monsieur. Eh bien, voici mon gant, reprit le jeune homme. Et au même moment, la lame aiguë et étincelante de son poignard s'enfonça dans le manteau dont Luca s'était vivement fait un bouclier. Et voici le mien, riposta Dolci. Et en même temps, son stylet, qu'il balançait par la pointe entre le pouce et l'index, alla frapper le poète au milieu du front. Le sang jaillit sous les empierreries en relief du pommeau, et le jeune homme tomba, comme sous le coup d'une massue. Un moment de trouble suivit l'issue fatale de cette querelle, mais dès que les valets eurent emporté le blessé hors de la salle et qu'on eut fait respirer des odeurs pénétrantes à quelques femmes évanouies, les convives, comme habitués à des scènes semblables, recommencèrent à faire retentir la galerie de rires bruyants et de confuses déclarations d'amour. Don José remarqua seul qu'au moment où le poète tombait le front et le visage ensanglanté, Luca Dolci pâlissait affreusement et avalait d'un trait une énorme coupe de vin. « Bravo, Dolci !» cria Don José. « Vous pouviez le piquer au cœur, vous n'avez fait que l'assommer provisoirement. C'est aimable. »« Bon, parlons d'autre chose, » répondit Dolci. « Comment se fait-il, messieurs, que le seigneur Michel Gritti ne soit pas ici ?»« Monseigneur, » dit la Dolfina, « je suis si curieuse que je donnerais ma vie pour savoir où est maintenant Ser Michel et ce qu'il fait. »« Votre vie, madame ?»« Elle est donc à moi, » reprit Luca en se levant, « car je vous le dirai dans un moment. » « Venez-vous, Frias ? Où donc ? Au palais Gritti, d'abord. » « Allons-y tous !» cria Raphaël. « Tous dans nos gondoles. Nous aurons l'air de la flotte de Cléopâtre. »« Allons !» dit la Dolphina, se levant et brandissant un flambeau. « Imitez-moi, messieurs. Mettons le feu à la mer. » Tous les convives, s'armant de flambeaux, se précipitèrent à sa suite avec des cris de joie, et cette foule étincelante commença de rouler tumultueusement dans les escaliers comme un torrent d'or et de diamants. Avant d'arriver au bord de la lagune, elle s'accrut de tous ceux qui tenaient table dans les jardins, et l'instant d'après, une flottille d'innombrables gondoles sillonnait le canal, chargée de cavaliers, de femmes, de fleurs et de feux, lançant à travers la ville endormie des chansons et des clameurs de fête, et réfléchissant jusqu'au fond de l'onde ces milliers de flambeaux qui faisaient naître une forêt sous-marine de cristallisation lumineuse et de radieuses colonnades. Luca Dolci avait sauté, chemin faisant, de sa gondole dans celle de la Dolphina qui voguait en tête. « Ainsi, madame, lui disait-il, ainsi s'est entendu. S'il vous trahit, nous nous aimerons. »« Oui, monseigneur, dit la courtisane en éclatant de rire, selon sa coutume. « Et combien de temps ?»« Demandez à ces astres là-haut combien de temps ils brilleront. Je parie qu'ils n'en savent rien. Leur éclat en vaut-il moins ?» La Dolphina commença un nouvel éclat de rire, qu'elle interrompit brusquement en apercevant, sous le portail de Sainte-Marie-Formose, deux silhouettes gigantesques. « Qu'y a-t-il donc ?» demanda Dolci. « Il y a, répondit la Dolphina, que voici là-haut comme deux saints dans leur niche, le seigneur Gritti et le cavalier Vespasiano. » La nouvelle circula d'une gondole à l'autre, et la flottille s'arrêta. En même temps, deux fenêtres s'entr'ouvraient sur les balcons de deux palais voisins, mais situés chacun sur une rive opposée du canal. Les chants et les cris cessèrent, pendant que la gondole de la Dolphina s'avançait seule jusqu'au bord du quai. « Approchez, messire Michel, que je vous parle !» cria la Dolphina, montée sur la proue de sa barque et secouant son flambeau comme une tierce. Gritti descendit gravement les marches du portail et s'approcha du bord. « Qu'est-ce, ma toute belle ? » dit-il sans prendre la main que lui tendait la Dolphina. « Monseigneur, au nom de mon amour et de ma beauté, je vous somme de me suivre. Impossible, mon enfant. Sérieusement, monseigneur ? Très sérieusement, ma chère. Hélas, hélas. Il faut donc que je prenne un amant, moi. À votre guise. Gritti, j'étranglerai la Contarini de mes mains. Méchante parole pour une si belle bouche, dit Gritti en souriant. Hélas, je vous aimais pourtant, moi, reprit la Dolphina, envoyant un baiser de la main à Gritti et faisant signe au rameur de regagner le large. Adieu, monseigneur. Bonne fille, adieu, dit Michel. Nous retournons chez moi, messieurs, cria la Dolphina en reprenant la tête de son cortège flottant. « Chez nous, belle dame ?» murmura Dolci à l'oreille de la courtisane. « Par les 300 000, noble Michel, » dit Vespasiano à son ami, qui était remonté près de lui. « Cette scène m'a crevé le cœur. »« Bon, bon, vous en verrez bien d'autres. Demain, si cette charmante enfant le veut, je suis homme à chanter la messe, et vous la chanterez aussi, mon ami. »« Je chanterai le diable et ses 500 000 fourches. »« Voulez-vous donc nous séparer, Vespasiano ?» Mais aussi, répliqua le cavalier d'un ton plaintif, n'est-il point trop cruel, pour un militaire qui a combattu les Turcs 10 ans de sa vie, d'en être venu à passer sa nuit sous un porche d'église comme un enfant de cœur, n'est-ce pas ridicule ? Allons, Vespasiano, dormez tranquillement, répondit Gritti en s'enveloppant dans son manteau et en se couchant sur les marches. Non, je ne dormirai pas, je danserai plutôt. Dansez, en ce cas. Je voudrais, ma foi, reprit l'infortuné cavalier, se promenant à pas précipités sous le porche. « Je voudrais qu'un drôle vint me rire au nez dans ce moment-ci. J'en ferai une plaisante capilotade. Je vous ferai remarquer, dit Gritti, qu'il y a quelqu'un de couché près de vous. « Presse, levez-vous, Michel, » cria joyeusement le cavalier. « Voici l'aube, et j'ai vu une fenêtre s'ouvrir là-bas. » « En effet, » dit Gritti, se levant précipitamment et secouant la poussière de son manteau. Les deux jeunes gens descendirent alors au bord du canal, et montèrent dans la gondole de Gritti qui les attendait. Quelques coups de rame les conduisirent au pied du palais Contarini, dont une fenêtre était entr'ouverte. Une petite main s'avança à travers le feuillage de marbre du balcon, et un bouquet tomba dans la gondole. Gritti le porta vivement à ses lèvres. Au même instant, une autre gondole, que menait également un rameur en livrée patricienne, s'avançait au milieu des brumes du matin, glissant près de la rive opposée. « Bacchus et Saint-Marc, est-ce que je rêve ?» s'écria Vespasiano. « Voyez donc, Michel. »« Luca Dolci, » dit Gritti avec un cri de surprise. « Et Don José ?» ajouta Vespasiano. « Ivres tous deux comme des caves !» Luca et Don José étaient étendus côte à côte au fond de leur barque, et à la pâleur livide de leur visage, on les eut pris pour deux cadavres si par intervalles des frissonnements convulsifs n'avaient agité leurs membres. Les traces d'une débauche sans mesure imprimées dans l'altération de leurs traits et dans le désordre de leurs vêtements formaient, avec l'apparence délicate et distinguée de ces frêles natures, un contraste pénible. « C'est un triste spectacle, » reprit Michel Gritti. Comme il parlait, la gondole de Luca s'arrêta devant le palais Giustiniani, dont les premiers rayons du soleil blanchissaient la façade mauresque. Une fenêtre s'ouvrit mystérieusement, et un bouquet tomba aux pieds de Dolci. Il le ramassa, salua de la tête, et retomba immobile au fond de la barque. « Il pleut des fleurs ce matin, » dit Vespasiano. « Mais quelle est donc la diablesse de main qui a jeté celle-ci ? » « Diablesse, c'est le mot, » répondit Michel. « C'est la main de cette marquise romaine, la Giustiniani, qui est venue habiter ce palais depuis la mort du comte, son oncle. « Ah, on la dit fort belle, messer, extraordinairement, » répondit Michel. En ce moment, les deux gondoles, changeant de route, vinrent à se croiser. « Salut, messieurs, » dit Gritti, comme les barques étaient bord à bord. Luca et Don José se levèrent en chancelant et saluèrent. « Peut-on savoir de quel aimable lieu vous sortez si matin, messer Luca ?»« De chez la Dolphine, » répondit Luca, « où j'espérais vous rencontrer, messieurs. »« Nous, mes jeunes cavaliers, nous sortons de l'église, où nous comptions vous trouver. »« Je ne vais plus à l'église, messer Michel. »« Ni moi chez la Dolphine, messer Luca. »« Je souhaite que cela vous réussisse, monsieur. »« Mort diable, tout nous réussit, monsieur, » cria Vespasiano. « Je suis aise que vous le sachiez. » Et j'ai l'honneur de vous souhaiter la même chance de votre côté. Amen, répondit Don José, comme les deux gondoles s'enfonçaient chacune dans un traguet latéral.